échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand fait comme d'habitude tout le reste. Voilà. Et aujourd'hui, une émission où on se promène un petit peu, d'abord au Brésil, avec plein de Brésiliens, comme Jupiter Massao, Tom Zé aussi, Gilberto Gil, Arnaud Rodriguez. Ensuite, on passe plutôt à des trucs comme Charles Mingus, Eddie Gale. On reste aux États-Unis, je sais plus. Et après ça, on s'en va plutôt au Moyen-Orient. Eh oui, et on part tout de suite. Quem realmente bem não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai, e assim como não vai. Não vem quem de adianto de si, não sai, vai morrer sem amar. Nem quem e o dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai sem ele cai, cai bem. Birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau, birimbau. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor. Tristeza, camarada. Quem realmente bem não trai o amor que ele quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai, e assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar. Ninguém e o dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai sem ele cai, cai bem. Birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor. Tristeza, camarada. Capoeira que é bom, não cai sem ele cai, cai bem. Birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor. Tristeza, camarada. Birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau. Quem é modéstia à parte, nasci pra sambar. Eu sou tão menina, meu tempo passou. Eu sou colombina, eu sou Pierrot. Mas é carnaval, não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal. Deixa a festa acabar, deixa o barco correr, deixa o dia raiar, que hoje eu sou da maneira que você me quer. O que você pedir, eu lhe dou. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. De ponta, flor e flor, cambraia branca sob o sol, cravina branca, amor, cravina, amor, cravina e sonha. A moça chamada Clara, água, alma, lava, alva, cambraia do sol. Galo cantando cor e cor, pássaro preto, dor e dor, marinheiro, amor, distante amor, e a moça sonha só. Um marinheiro sob o sol, onde andará o meu amor? Onde andará o amor, no mar ou sonha? Se eu ainda lembro o meu nome. Longe, longe, onde? Onde se vá, numa onda no mar, numa onda que quer me levar para um mar de água clara, clara, clara, clara. Ouço meu bem me chamar. Faca de ponta, dor e dor, cravo vermelho no lençol. Cravo vermelho, amor, vermelho, amor, cravina e galos. E a moça chamada Clara, Clara, Clara, Clara, alma tranquila de dor. Eu acredito em fantasmas, em mulas sem cabeça, neguinho do pastoreio e boi ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Às vezes transo simpatias, sou super supersticioso. Eu acredito em fantasmas, fantasmas, fantasmas, fantasmas. Lá vem lobisomem e as corujas malditas. Lá vem super-homem salvando a donzela aflita. Cheia, existe uma mulher feia que lança feitiço nos homens, nos homens, nos homens, nos homens. palavras fazem o bolo, um bolo de marshmallow, pra fado e o gnomo amarelo. Pequenos erros, preferir a casa alheia, ressalvando a discreção. E tudo isto ensinou com poucas palavras e muitas ações. Pois como um grande chefe de família, ele soube sempre caminhar seus filhos para a glória. Ensino-lhes bem cedo que a honra todos devem cultivar. Entretanto, ao tomar decisões, ela nunca deve atrapalhar. Mostrou que as boas razões, a causa justa e que é nobre, convive é com os milhões. E tudo isto ensinou com poucas palavras e muitas ações. Pois como um grande chefe de família, ele soube sempre caminhar. Da janela a cidade se ilumina, como nunca jamais se iluminou. São três horas da tarde, é domingo, na cidade no Cristo Redentor. É domingo no trolley que passa, é domingo na moça e na praça. É domingo, meu amor. Hoje é dia de feira, é domingo. Quanto custa hoje em dia o feijão? São três horas da tarde, é domingo. Em Ipanema e no meu coração. É domingo no Vietnã, na Austrália e Itapuã. É domingo, meu amor. Quem tiver coração mais aflito, quem quiser encontrar seu amor, dê uma volta na Praça do Lido. Oi, Esquindô, oi, Esquindô, oi, Esquindô, lelê. Quem quiser procurar residência, quem está noivo e já pensa em casar, pode olhar o jornal Paciência. Tralalá, tralalá, ê, ê. O jornal de manhã, chega cedo, mas não traz o que eu quero saber. As notícias que leio conheço, já sabia antes mesmo de ler. Qual o filme que você quer ver? Que saudade precisa esquecer? É domingo, meu amor. Olha a rua, meu benzinho. Tanta gente que vai e que vem. São três horas da tarde, é domingo. Vamos dar um passeio também. O bondinho viaja tão lento. Olha o tempo passando, olha o tempo. É domingo, outra vez domingo, meu amor. É domingo, outra vez domingo, meu amor. É domingo, outra vez domingo, meu amor. É domingo, outra vez domingo, meu amor. Gerais. E viva mais o angu, torresmo com tutu. Eu vou bater patu no rock de Minas Gerais. É pra falar do ouro, falar do tesouro. Eu vou cantar com couro, yeah. O rock de Minas Gerais. E viva mais o angu, torresmo com tutu. Eu vou bater patu no rock de Minas Gerais. No Triângulo Mineiro fui a vida. 16 anos era tudo que eu tinha. Tinha gente um tanto minha espalhada por ali. Fui vender livros, grilos, grampos e folhinha. No fim de semana eu vinha contando tudo que vi. É pra falar do ouro, falar do tesouro. Eu vou cantar com couro o rock de Minas Gerais. No pico das colinas, na prata das minas, e é de corda fina o rock de Minas Gerais. No Triângulo Mineiro fui a lida. Plantios, terra já enchi de a vida. Da semente não perdida, pois a benção vem do céu. Vi artes plásticas, barrocas, loucas roupas nas mineirinhas mais loucas, querendo grinalda e véu. É pra falar do ouro, falar do tesouro. Eu vou cantar com couro o rock de Minas Gerais. E viva mais o angu, torresmo com tutu. Bater patu no rock de Minas Gerais. Faladares curti, que curtida. Lá vende pedras e diamante, nem tina, lá vê roupa, gente fina, fina gente eu conheci. Se mais lhe conte, vi Belo, Belo Horizonte, onde a vida deu um monte das lições que eu aprendi. Só pra falar do ouro, falar do tesouro, eu vou cantar com couro o rock de Minas Gerais. E viva mais bambu, torresmo com tutu. Eu vou bater patu no rock de Minas Gerais. Ei, Minas Gerais. Sebastiana pra dançar um xaxado na Paraíba. Ela veio com a dança diferente e pulava que nem uma guariba. Ela veio com a dança diferente e pulava que nem uma guariba. E gritava A, F, O, U, Y. E gritava A, F, O, U, Y. G, já cansada no meio da brincadeira. E dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei: não faça sujeira, um chachado que entrou na gafieira. Sebastiana não deu mais pra cá. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, I, U, Y. Madre Sebastiana, pra dançar um chachavão na Paraíba. Ela veio com a dança diferente, que pulava que nem uma guariba. Ela veio com a dança diferente, que pulava que nem uma guariba. E gritava A, F, O, U, Y. E gritava A, F, O, U, Y. Já cansada no meio da brincadeira. E dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei: não faça sujeira, um chachado que entrou na gafieira. Sebastiana não deu mais pra cá. E gritava A, F, O, U, Y. E gritava A, F, O, U, Y. E gritava A, U, Y. E gritava A, pour vous dire, alors c'était notre petit bout ensoleillé qui nous rappelle que qu'il fait 28 degrés à Rio et de Janeiro aujourd'hui, en ce moment même. On commençait comment avec Sergio Mendes et Brasil 66. C'est Herb Alpert présente Sergio Mendes et Brasil 66. C'est par en 1966. Sergio Mendes qui a été un des premiers à populariser vraiment la musique en dehors du Brésil. En fait, il a été plus connu aux États-Unis d'abord. Qu'au Brésil même, et il a donc œuvré à la diffusion de la musique brésilienne, joyeuse et ou triste, dépendant. Noite de Mascarados, c'était Chico Buarque qui nous faisait Chico Buarque de Holanda, volume 2, une compilation, ou même pas, paru en 67. De son vrai nom, Francisco Buarque de Holanda. Puis c'est un autre qui était... Il y en a plusieurs là-dedans qui ont des carrières multiples, chanteur, compositeur, dramaturge, écrivain. On pourrait retrouver ça chez plusieurs personnes, et parfois on ajoute de la vie politique à tout ça, parce que beaucoup des artistes brésiliens des années 60-70 ont été un petit peu... en délicatesse, comme diraient les Français, avec le pouvoir. Caetano Veloso nous faisait Clara sur Caetano Veloso, 1968. Voilà, revient ici. Lui aussi, bon, il vient de Bahia, puis il s'appelait, évidemment, ils ont toujours des noms un petit peu plus longs que leur nom de scène. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. Puis, lui aussi, c'est un des musiciens les plus populaires. En fait, Jean-Philippe nous a sorti ses hits brésiliens, ces trucs qu'il aime particulièrement. Il y a sa sœur aussi, Maria Bethânia, qui est en fait devenue célèbre avant lui aussi, dans les années 60. Toujours, il y a eu un gros mouvement dans les années 60 dans la musique brésilienne, qui ensuite est revenu sur le devant de la scène plus tard. Jupiter Massa nous faisait Canção para Dormir, à Sétima Efervescência, voilà, de 1997. Jupiter Massa qui est décédé assez jeune, quand même, léger problème de consommation diverse, alcool, cocaïne, LSD et probablement d'autres choses qui devaient traîner, ça. Puis ça ne l'empêchait pas d'être absolument plein d'imagination et très fidèle au poste. Tom Z suivait avec Gloria sur l'album Grande Liquidation, Grande Liquidação, de 68. Tom Z, ben, il a eu une carrière en deux temps. d'abord des années 60, début 70, ensuite ça s'est arrêté. Puis ses albums, en fait, David Byrne de Talking Heads a découvert Tom Z tout à coup et sa carrière est repartie. Gilberto Gil nous faisait Domingo sur Gilberto Gil de 68, possiblement le plus connu de tous les musiciens brésiliens. Puis tout le monde connaît ses plus grandes chansons. Arnaud Rodriguez nous faisait Rock de Minas Gerais sur Somme de Paulinho de 1976. Lui, c'est une star de télévision aussi, qui est décédé en 2010. Puis, il est devenu, en même temps qu'il était star de télévision, vraiment un musicien de premier plan. Et nous avons terminé avec Gal Costa, qui nous faisait Sebastiana sur Gal Costa de 1969. Elle aussi, une très grande chanteuse brésilienne. Maria das Graças Costa Pena Burgos. Voilà. Et c'est ainsi que s'est terminé notre premier bloc. Qu'est-ce qu'on aura après? Oh, un peu de Charles Mingus et bien d'autres choses. This dude ain't from Moscow. This mule ain't from the south. This mule's had some learning, mostly mouth to mouth. This mule could be called stubborn and lazy, but in a clever sort of way, this mule could be working, waiting, and learning and planning for a sacred kind of day. The day when burning sticks and crosses is not mere child's play, but a madman in his most incandescent bloom, whose loveless soul is imperfection and its most lustrous groom. So stand fast, young woman, soothing contemplation thy burning hole and aching thigh. Your stubbornness is of the living, and cruel anxiety has begun to die. Freedom! Moscow. This mule ain't from the south. Well, this mule's had some learning, mostly mouth to mouth. This mule could be called stubborn and lazy, but in a clever sort of way, this mule could be working, waiting, and learning and planning for a sacred kind of day. A day when burning sticks and crosses is not mere child's play, but a madman in his most incandescent bloom, whose loveless soul is imperfection and is the most lustrous groom. So stand fast, young woman. Soothe in contemplation thy burning hole and aching thigh. Your stubbornness is of the living, and cruel anxiety has begun to die. Stand fast, young woman. Stand fast. When the deceive you. Wipe the tears away from your eyes. Stop the rain. Stop! St. John the Coltrane. I only knew you blue, train. I only knew you blue. Only knew I heard your sound and became a believer. Knew of gospel shouting, screaming, plantation niggas again. Knew that this was the gospel spoken by a saint in another voice. You, train, sage bird of our time. Alone in rooms, rooms about this size. Room so quiet. Yeah, I'm gonna weep for you too, train. Beat Street poets got soul, gonna weep deep. Way down in that hole they call our soul. Gonna cry, gonna die, gonna listen. Glisten in that spiritual shout you cleanse me with. Yeah, train, we love you, we honor you. Black people, let us work voodoo for our train. Let us match our soul's rhythm to the rhythm of the universe. Choo-choo and a homage to the train. We will say we have not forgot the gospel of a love supreme. A love supreme. A love supreme. We cry too silently in our dream, never venturing to scream so that we might pierce into the daylight of reality. Hear our moans, O Lord, and make us come to life. The woman I love, I left behind me. The woman I love. So real and peanutty brown, my reason for living named Donna. Beauty is what I love. Beauty is what I love. Ballad from train, some good herb. My woman who don't know nothing except how to love me, her man. I love the darkness of our black streets. The broken glass, the drunken garbage cans of slits and ripples, Tokay, black and white Jim Beams, dog port addicts. These people my home. These jungle called Harlem. Listen. Of that radiant light. I am not afraid. Drenched in the bath of eternal joy, I am the curve of the smile of the lightened brow. Moving to the pulse of vibrant rhythm, I am the primal beat of the unburdened heart. I am not afraid. Cooled by the breeze of celestial breath, I am a leaf carried miles by a single exhalation, yet not afraid to fall. Secure in the embrace of omnipresence, I am a waif who sees his parents wherever he turns, who knows he is not alone. I am not afraid. Protected by the power of the divine intellect, unfolding every moment as knowledge opens me, receiving more each day the true meaning of the ancients when they said, I am that, thou art that, all this is that. Marveling at the perfection of a creator who can say, I am one, maybe I become many. I am humbled for I know that I am but a petal on the ever-rejuvenating bud of life. That's right, I'm not afraid. For fear is born in ignorance, and each breath I take pulls me closer to the truth. Each step I take erases a little more dust from my lenses. I am not afraid. Creation is my birth. My hand is held by my ever-forgiving partner. The Creator is my candle. Though changes come so fast that every day seems to be an unwritten script, I am not afraid. For I know that what I cannot see is known in the record of glorious silence, and we are all being guided. I have learned to trust. Calamities may come, but daily I draw closer to the eye of the storm. Better able to work and create, I have learned to love. strengthened in the wave of creation. I am tireless in the sound of creation. I am innocent in the light of creation. I am not afraid. I am not afraid. I am not afraid. Why don't you sit down? I can't sit down. Sit down, I told you. I can't sit down. Go away, don't bother me. I can't sit down. 'Cause I just got to heaven and I can't sit down. Who's that yonder dressed in white? I just got to heaven and I can't sit down. Looks like the children of the Israelites. I just got to heaven and I can't sit down. Who's that yonder dressed in red? I just got to heaven and I can't sit down. It looks like the children that Moses led. I just got to heaven and I can't sit down. Why don't you sit down? I can't sit down. Go away, don't bother me. I can't sit down. 'Cause I just got to heaven and I can't sit down. I like that. Thinking, loving, giving, good, and kind men among us. There are men who consider others first and more, who are secure, generous, well-adjusted, liberated, competitive, competent, and contemplative. Around us are creative, talented, and confident, big eaters, and men who fast. In our communities are children caring, women caring, and loving, hardworking, intuitive, hardworking, and joyous men occupying the frozen memories of all. Within these grounds, are men who cook, clean, build, and marry. Resourceful, peaceful, peace-giving, peace-loving, men toil the earth together. On their knees are spiritual, meditative, deep-thinking, and praying brothers. Gathered musically here are healthy, sports-minded, sexually sensitive, strong, profoundly loving, and cultural men who understand and practice reciprocity. They know the hurt, hearts, and mission of women. They feel the bones, secrets, and hearts of men. They anticipate, defend, and nurture the innocent in children. In their psychology are defiant warriors existing between turbulence and honor. Seldom highlighted are the bold men who articulate and carry the fears of others. Among men are dreamers, doers, and doubters who will not betray a trust. They are fathers and parents who love so deeply that they are often misunderstood. In their quietness is patience, calmness, and forbearance that some read as weakness, impotence, and vulnerability. In all of this, they naturally smile and occasionally belly laugh. These beauty seekers safeguard civilization, and we need to be reminded of their open-hearted presence in abundance among us. Often and more, they run against the accepted and encouraged definition of ignorant hard hats, drunken soldiers, arrogant professors, and immature politicians who swim in egocentric heat and the rhetoric of fools. Un petit fond sonore de Quincy Jones. Là, on est allé vraiment du côté des États-Unis, de la musique afro-américaine, qui commençait avec Charles Mingus, qui nous faisait Freedom 1963. En fait, c'est un bonus qu'il y avait sur un CD, probablement tiré d'un documentaire, mais on va chercher là-dessus. L'album s'appelait Mingus, 1964. Charles Mingus, ben, c'est une des plus grandes vedettes, sans doute, du jazz américain. Quoique, des gens n'ont pas repris beaucoup ces pièces par la suite. C'est parfois non conventionnel, puis peut-être pas si vendeur que ça dans certains cas. Alors, on retrouve pas beaucoup de reprises de ces choses. Dommage, d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'excellents trucs de Charles Mingus, qui était reconnu et pour ses talents de compositeur, de multi-instrumentiste et son caractère. Il était un peu emporté par moments. On l'aurait été à moins parfois. Eddie Gale nous faisait The Rain sur Eddie Gale's Ghetto Music de 1968. Eddie Gale, c'est un trompettiste qui a travaillé beaucoup avec Sun Ra dans le Sun Ra Orchestra. En fait, il a été jusqu'à la mort de Sun Ra, je sais pas, à partir des années 60-70 jusqu'en fait Sun Ra est décédé en 93, mais lui a été influencé par la musique de Sun Ra pendant longtemps, puis il a amené la trompette aussi dans le hip-hop, puis dans des styles musicaux. Il a vraiment amené plein de collaborations avec des artistes plus jeunes que lui à une certaine époque. The What's Prophet nous faisait Nearer My God to Thee. The Black Voices on the Street in Watts de 1969. Ben, il y a eu des émeutes à Watts, en Californie, à un moment donné. Émeutes justifiées. Oui, c'est ça, évidemment. Ça va peut-être barder un petit peu trop pour ce qui aurait été souhaitable, mais ça, il y avait beaucoup des mouvements civiques aux États-Unis étaient extrêmement nécessaires. Extrêmement pour dire le minimum. The Watts Prophet, c'est un groupe de musiciens poètes originaires de Watts. Il était contemporain des Last Poets. Puis, eux aussi ont fait beaucoup pour les mouvements civiques. C'est vraiment très chouette. En plus, l'album, c'est beaucoup de bonne musique. En fait, il y avait beaucoup de bonne musique dans ce bloc. Brother Ha nous faisait Transcendental March, Creation Song sur Mohover Onward de 1975. Brother Hart, c'est vraiment très bon ce qu'il fait. Puis c'est un type qui s'est beaucoup promené puis qui a fait beaucoup pour la musique mondiale en fait. Il s'est promené, il explore la musique africaine, japonaise, espagnole, les musiques aborigènes, des autochtones, en fait, d'un peu partout dans le monde. Puis il s'est promené en Ghana, Kenya, Tanzanie. Vraiment très intéressant. Aussi, et on a terminé avec, on n'a pas terminé avec, mais on a eu Carl B. Stokes qui lui faisait Sit Down sur The Mayor and the People. C'est un politicien et qui a fait qui lisait des textes comme avec Oliver Nelson. Oliver Nelson, qui est un musicien qui a accompagné plusieurs autres personnes dans ce genre de création, et c'est très chouette aussi. On avait Nicole Mitchell et Aki Madhubuti qui nous faisaient Often Hard to Believe sur Liberation Narratives de 2017. Allez lire là-dessus un peu. D'ailleurs, vous pourrez voir sur notre blog, il y a des pochettes de disques. C'est ça, les références sont faciles à trouver. Aki Madhubuti et Nicole Mitchell, c'est fort intéressant comme collaboration. Aki Madhubuti, qui est né dans Luther Lee. C'est un poète américain qui, lui aussi, a participé beaucoup à toutes les causes des droits civiques. Qu'est-ce qu'il a fait dans Iowa Writers Workshop? Il était à l'université d'Iowa. Il a changé son nom en 1974 pour s'appeler Aki Madhubuti. Oui, voilà. Et maintenant, on passe à autre chose. Voilà. Thank you. s'arrêter. C'est un furet, c'est une furie dans la forêt sans s'arrêter. Un jeu d'enfant dans le temps, temps éternel, son éternel. Le foulard tombe, le masque trompe, tous dans la tombe dès qu'on est né. L'étendard tombe, puis une bombe, un vœu distant, un feu tentant. Il court, elle court, c'est un feu fou, c'est une furie dans la forêt. Musique.

şeker, şam fıstık. Aman arpalar garam için. Sallanma güzel de yarim, cahilim aklım gider. Al kalı şeker, hasiretlik çeker. Çok sallanma güzel de yarim, cahilim aklım gider. On ne sait pas tout le temps où on était où. Exactement. Mais surtout pour la première pièce, en fait. Beyrouth, Iria, Bagdad, Al-Fazi, Al-Thani, c'est Elias Zeidan. Mais trouver des informations sur lui, ce n'est pas facile. Son disque s'appelle Beyrouth, Iria, Bagdad, qui date de 2018. Puis on a fait de la recherche, puis on n'a pas trouvé. Voilà. Jean-Philippe dit, quand il trouvera de l'information, il le mettra dans le blog. Le furet dans la forêt en feu, c'était Baba Zula sur Jesse Kondu de 2011. Baba Zula, c'est un groupe de musique turque fondé à Istanbul en 96. Avec Osman Murat Ertel qui joue du saz électrique. Puis il y a Levent Akman qui joue de la cuillère en bois aussi. Puis percussionniste, du chant des chœurs. Puis ils sont accompagnés de danseuses parfois. Puis ils sont encore actifs depuis 1996. Daman El Arachi nous faisait Raya de 1973 sur The Very Best of Daman El Arachi, une compilation parue en 2018. Lui-même est, en fait, s'appelait Abderrahman Amrani. Puis il est né à Alger, dans le quartier El Bihar. Pied Mort, aussi près d'Alger à Ain Bien Yan. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, là, c'est un des personnes qui a popularisé la musique populaire, donc la musique Shaabi. Son fils Kamel Al-Arachi est aussi un compositeur, interprète, puis qui fait vivre encore le répertoire de son papa. Qu'est-ce qu'on a encore? Three URL nous faisait Aram sur Three URL de 1972. Eux, on en a mis quand même assez régulièrement. Les trois frères URL, Onur Aldoun et Feridoun, c'est un groupe turc qui est né à Trabzon en Anatolie. Puis ils ont été actifs de 70-77, puis ont fait un retour de 96 à 99. Puis on en met souvent parce que c'est bon. Voilà, c'est une raison extrêmement suffisante. On est passé ensuite à Nas El Guyan, nous faisait Yamina de 1976. Le meilleur, volume 2, une compilation parue en 2018. Voilà, Nas El Guyan, c'est un groupe musical marocain qui est né à Casablanca avec Larbi Batna, qui était le meneur du groupe, je pense. Ils ont été actifs de 70 jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons terminé avec Altingun. C'est un truc qui vient de sortir l'album On. La pièce était Alkali Seker. Et eux, c'est vraiment un groupe qui a repris le son des années 70, des trucs turcs. Oui, Jean-Philippe me regarde comme ça. Et c'est sorti l'an passé, mais c'est écrit 2018. Voilà. Et je peux vous dire que Benoît Arcan est là pour faire Terre et Vague. Et quant à nous, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout. Et on se dit à la semaine prochaine.